Mais tu peux imposer à moitié. Imposer votre moitié. Bon, OK. C'est parce que j'essaie de commencer avec les questions qui ont rapport avec la conférence un peu. Où serait Jésus au Québec ou aux États-Unis et est-il dans l'intelligence? Au Québec, effectivement, il est dans l'intelligence. Quand on parle de Jésus, on parle de la réincarnation, de l'ego, de ce qui a servi d'enfant au corps physique qui est devenu nazaréen par la suite. Okay. Est-ce que c'est la première fois qu'il se réincarne depuis 2000 ans? La disparition? Oui, c'est la première fois. C'est pas sous l'égime de Michael, par exemple? Oui et non. C'est-à-dire que c'est quand même sous la gérance de forces supplémentales, donc de forces michaéliennes. Mais c'est pas un phénomène qui serait nécessairement michaélien, c'est-à-dire que c'est pas une effusion de Michael. Le fait que le Nazaréen, avant que le Nazaréen vienne sur la terre, Jésus, le corps de Jésus, c'était Michael. Depuis qu'il est devenu christique, il n'y a pas eu un changement de nom ou une addition? Pas un changement de nom, non. Au niveau de ce que l'être humain peut percevoir des forces qui ont été effusées, ça reste encore des forces michaéliennes. Il y a eu effectivement un changement d'énergie, un changement de forme énergétique, donc finalement un changement de perception orale, donc de changement de nom. Mais pour l'instant, ça ne sert absolument à rien à l'humain de parler d'autres noms. On peut conserver le terme Michael, qui est suffisamment résonnant encore dans la perception qu'on a des phénomènes christiques à l'échelle de notre planète. Pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas dire? Parce que ça serait faux. Sa planète? Oui, les traces laissées par son passage sont encore des traces d'effusion michaélienne. Donc, ça ne vaut pas la peine de parler de l'autre nom. Peut-être un dimanche. Je ne l'oublierai pas. Parce que je suis sûr qu'il y a une importance. Est-ce que les forces sataniques ont plus d'affinité chez certains adolescents type heavy metal? Comment agir face à cette violence ou comment réagir face à cette violence? Bon, ce sont des questions pénibles. Premièrement, c'est bien évident que le métal hurlant, c'est de la musique qui provient des plus basses sphères du monde de la mort. Donc, ce sont des musiques qui sont jouées, qui proviennent des forces sataniennes et même luciférienne. Comme d'ailleurs le rock était la prémisse de ce genre d'expression sur notre contexte planétaire. L'adolescent qui aime le métal hurlant, le heavy metal, c'est une personne, adolescent ou adulte, c'est une personne qui est intimement en vibration du point de vue de son âme avec la résonance sataniéenne. Donc, nécessairement, il est possédé et manipulé, comme tous les humains de la planète le sont, mais il est possédé par des entités, par des vibrations beaucoup plus basses du monde de la mort. Alors, ce genre de musique, si on peut appeler ça musique, c'est effectivement une musique selon certains points de vue. Comment agir face à cette violence ou comment réagir face à cette violence? On réagit effectivement, on n'agit pas. Ça, je ne peux pas répondre à la question comme ça ici parce qu'il manque trop de données. Chose qui est certaine, c'est que rendu à un certain âge, il y a des problèmes qui ne se solutionnent pas du point de vue des parents, mais qui se solutionnent seulement du point de vue de la vie. Alors, il y a des jeunes qui, à un moment donné, se lancent dans la drogue. Ils ont 16, 17, 18 ans et les parents veulent savoir quoi faire avec leurs enfants. Il n'y a rien à faire avec leurs enfants. Quand l'enfant est carrément démoli, carrément à terre, peut-être que là, les parents peuvent commencer à se rapprocher. Tant que l'enfant a suffisamment d'énergie pour continuer à prétendre qu'il sait ce qu'il fait alors qu'il est totalement manipulé, il n'y a rien à faire. Alors, chicaner l'enfant, c'est se battre avec. L'enfermer, c'est risquer qu'il casse les fenêtres pour sortir. Ça ne change rien. Alors, il y a de temps en temps des problématiques au niveau de l'enfance qui sont trop avancées, qui sont prises trop tard. C'est comme certaines maladies, c'est la même chose. Où il n'y a à peu près rien à faire, c'est-à-dire qu'on doit se fier sur la connerie qu'il va faire, qui va être suffisamment importante pour l'arrêter, mais pas trop importante pour l'abîmer à jamais. Et le parent peut dire, oui, mais ça ne m'arrange pas, ça veut dire qu'il faut que je le laisse, puis il faut attendre que, ou il va se faire tuer, ou il va s'abîmer le cerveau complètement, ou il va s'arranger juste suffisamment pour qu'il puisse commencer à réfléchir, si on va y parler. Il y a énormément d'adolescents présentement qui sont suffisamment avancés du point de vue de ce genre de travail, qu'effectivement, tout ce qui reste à faire, c'est d'attendre, de pouvoir le ramasser. Daniel, tu es un antichrist. Justifie-toi. Ben oui, anti, n'est-ce pas, antérieur, avant. Je suis antichrist, effectivement. On est sûr qu'il est arrivé dans le passé, mais on n'est pas sûr qu'il va venir tantôt. Le Nazaréen ou le Christ? Le Christ. Ben oui, le Christ, il est déjà en train de descendre sur le plan planétaire à travers la conscience de certains humains. parle au niveau qu'il y a, que le Nazaréen a atteint l'état christique. Ah, il ne reviendra pas sans peine de terre. Il n'y a pas un être humain intelligent ou une intelligence qui va venir ici. Il va plutôt attendre qu'on grimpe là-bas. Pourquoi dis-tu que nous sommes tous des antéchrists? Quelle importance d'être avant le Christ? Aucune importance, sauf qu'on parle d'anté comme antérieur. Bien, je répondais à une question de genre qu'effectivement, on est tous antérieurs à la venue de ce qu'on attend, n'est-ce pas? On est rarement postérieur à la venue de ce qu'on attend, c'est déjà venu. Donc, on est donc antichrist de cette façon-là. Quelle importance d'être avant le Christ? Il n'y a aucune importance d'être avant le Christ pour la simple raison que ce n'est pas de votre choix. Nous sommes avant ce retour, donc nous sommes avant ce retour. Il n'y a pas d'importance à y rechercher. Ceux qui sont venus au monde avant vous et qui ont légué la vie à travers des cellules et qui finalement ont engendré vos corps sont morts. On était dans le monde de la mort, qu'on appelle aussi le ciel, là où vont les âmes à leur mort, donc le monde de la mort. Et la majorité se sont déjà réincarnés, fusionnés à d'autres personnalités qui sont mortes aussi. Et 15, 20 personnalités, mémoires de personnes qui ont vécu, se fusionnant ensemble, se réincarnent dans un seul corps. Et lentement, ça donne des êtres humains comme nous sommes ici présentement sur cette planète. Nous sommes avant la venue du Christ, nous avons toujours été avant. Nous sommes des précurseurs, nous sommes ceux qui préparons les terrains. Nous préparons le terrain dans la biologie. Nous animons des corps physiques en attendant que l'intelligence puisse venir les habiter. Donc, de cette façon, nous sommes un peu comme Jean-Baptiste, les aplanisseurs de sentiers. Nous sommes toujours antérieurs à l'intelligence. Pour la simple raison que l'intelligence est comme un doigt. C'est le doigt qui est important, mais en avant du doigt pointe un ongle. Nous sommes l'ongle. Alors, nécessairement, nous sommes toujours avant le Christ. Et nous sommes la partie qui s'ébrèche, mais qui est reconstituée par le doigt, et qui se casse, et qui est reconstituée par le doigt. Et c'est la partie qui va gratter, qui va tasser, la partie qui peut bâtir. Nous sommes antéchrist d'une façon antérieure au Christ. Maintenant, nous sommes antérieurs au Christ, mais nous appartenons de toute façon à ce doigt, à ce rayon, à ce faisceau. Alors, nous sommes antérieurs et en même temps, nous sommes le Christ. La seule chose qu'il y a, c'est que la pointe ongle, la pointe de conscience qui est présentement peut transparaître par la majorité des corps physiques de cette planète, ne sait pas qu'elle appartient au doigt parce que sa constitution, l'ongle, est tellement différente de celle du doigt. Alors, elle pense qu'elle est rejetée du doigt. Elle n'est pas rejetée du doigt, c'est l'armure du doigt. Nous sommes antérieurs au Christ, de toute façon, depuis déjà plus de 14 à 15,5 milliards d'années, dépendant du point de vue où on se place dans cette création. On ne se change pas grand-chose. Être avant ou être après dans un cercle. Oui, mais il y a une différence, parce que de 15 milliards d'années, il n'y avait pas de support physique pour supporter l'état christique. Non, il y avait l'ongle qui commençait à descendre, à s'effuser jusqu'à temps qu'on engendre des mondes chauds, qui ont continué à s'effuser jusqu'à temps qu'on engendre des mondes froids, comme les nôtres. Et finalement, à travers ces mondes froids, on commence à accumuler de l'énergie, donc on les réchauffe, on les évolue. Et nécessairement, l'intelligence christique qui suit toujours l'ongle, le doigt, bien, il est là aussi. On n'a même pas besoin de prier, c'est évident, c'est garanti, c'est là, c'est la constitution même de notre structure. Nous sommes reliés à une intelligence christique. Sauf que, présentement, nécessairement, l'intelligence, le doigt n'est pas encore tout à fait pénétré dans un corps physique humain. Alors, on voit des boudons, peut-être sales, ça le gratte à des places. On appelle cela le mal, on appelle cela telle autre chose. On voit des boudons cassés, on appelle cela du Mahomet, on appelle cela du paganisme, on appelle cela, etc. Et à un moment donné, bien, la grosse partie de l'ongle arrive, et puis l'être humain se réchauffe. Il commence à prendre conscience que le doigt s'en vient, cesse de le prier. De toute manière, c'était conclu que c'était déjà là. Et il y a des pactes qui ont été faits, on appelle ça pacte parce que ça passe bien, mais il y a des pactes qui ont été faits dans la très antiquité, avant même que la Terre existe, entre le doigt et les ongles, hein, entre l'énergie et son expression. Alors, il n'y a pas de problème à avoir. On peut mourir du jour au lendemain, mais de toute manière, on ne fait que perdre la forme. On ne meurt pas du point de vue de l'énergie, on perd la forme du tout. Je peux prendre un verre et le briser, mais toutes les particules atomiques sont là pareil. On peut prendre des particules atomiques et les briser. Et on aura de l'énergie, mais l'énergie reste l'énergie pareille, qu'elle soit dans une particule atomique, dans une molécule ou dans une cristallisation. L'homme, c'est la même chose. L'être humain est inconscient de ce contact, de cette filiation avec l'intelligence. C'est pourquoi il passe son temps... Regardons, il passe son temps à être insécure. Celui qui prie Dieu, c'est celui qui n'a absolument pas confiance en Dieu. Celui qui demande, celui qui veut entretenir la relation... C'est celui qui n'a pas confiance, c'est zéro au niveau de la confiance entre ces énergies divines qu'il essaie de contacter. Celui qui parle du Nazaréen du point de vue émotif, qui prie le Nazaréen, qui prie le Christ, qui prie Jésus, etc., il n'a absolument pas confiance dans l'idée même de ce qu'il veut prêcher ou prier. Parce que, de toute façon, les pactes ont été faits. Même les antiques traditions, que ce soit l'Ancien Testament ou d'autres, disent que des pactes ont été faits entre les forces réactionnelles, les forces intelligentes, appelez ça Dieu si vous voulez, et les forces expressives, l'homme, qui qui va exprimer l'intelligence divine à un moment donné de son évolution, eh bien, il y a des pactes qui ont été faits. Il n'y a pas de problème à avoir. On s'en fout. On va dans le monde de la mort, qu'on convienne, qu'on vienne pas. Ça ne change rien. Bon, ceux qui croient encore à l'enfer, où à un moment donné, celui qui n'a pas accompli 20 fois par jour son acte de contrition parfaite et qui n'a pas respecté les 10 commandements de Dieu à la lettre, et qui va en enfer pour le restant de l'éternité, ça vaut même pas la peine d'aller au ciel si le Dieu est un Dieu qui vous envoie en enfer parce que vous n'avez pas fait quelque chose que vous avez oublié, parce qu'il ne vous a pas donné la mémoire pour le retenir. Bon, ça ne vaut même pas la peine de s'en faire. Qu'en est-il de l'effusion bouddhique au moment du Nazaréen? Et quel est son rôle maintenant à l'époque antéchristique? Travaille-t-elle de concert et comment? Alors, pour les néophytes, l'énergie christique est ce que le Nazaréen appelait l'intelligence, appelait l'Esprit Saint. L'Esprit, elle est de l'intelligence active, par différenciation à l'intelligence passive, l'intellect de l'homme. L'Esprit Saint est le premier facteur de ce que le Nazaréen appelait les cieux, en faisant une différence avec le Dieu dans le ciel. L'énergie christique est de l'intelligence supramentale, de l'intelligence active. C'est donc un savoir instantané, ce qui peut donner à un individu un savoir qu'il n'a pas appris. Il peut donc expliquer des choses que personne n'a jamais entendues, répondre à n'importe quelle question et même parler dans d'autres langues, ce que les apôtres ont aussi su faire. Au-delà de l'intelligence supramentale, de l'énergie christique, il y a l'énergie qui porte ésotériquement et d'une façon très fallacieuse le terme d'énergie bouddhique. Mais du point de vue théologique, c'est le plan de l'amour. Un amour sans condition, un amour gratuit. Pas un amour qui aime Dieu dans le but d'aller au ciel. C'est un amour qui n'est pas gratuit. Un amour totalement gratuit où dans cet amour peut naître des choses sans cause. Donc, ce n'est pas une réaction, ça ne nécessite pas une cause pour engendrer des choses. Au-delà de l'énergie bouddhique appelée amour et souvent appelée fils du point de vue ésotérique, nous retrouvons l'énergie intentionnelle appelée aussi active ou père, Dieu. Mais pas le Dieu dans le monde de la mort, le Dieu dans le ciel que l'on prie. Un Dieu créationneur, un Dieu instigateur, un Dieu intentionnalisateur. Le seul qui peut avoir des intentions et qui n'est pas réactionnaire dans les mondes inférieurs, en l'occurrence le monde de notre planète. Alors donc, lorsque le Nazaréen s'est effusé, j'ai déjà expliqué la première conférence de cette année, le processus de l'effusion. Alors on pourra s'y référer si on veut plus de détails sur ce phénomène. Au niveau de l'effusion bouddhique au moment du Nazaréen, et quel est son rôle maintenant à l'époque antéchristique? Travaille-t-elle de concert et comment? Présentement, l'énergie de l'amour, un amour qui, par l'intelligence, deviendra un amour intelligent, et non pas une maladie connue sous le nom d'amour que l'humain véhicule et que l'humain transmet de génération en génération, ça peut presque faire partie des MTS d'ailleurs, ce genre de maladie, où l'être humain transmet une maladie d'amour qui rend jaloux, qui rend angoissé, qui rend inquiet, qui rend pervers, qui rend manipulateur, qui rend etc. L'énergie bouddhique ou l'énergie d'amour, un amour pur, peut par l'intelligence engendrer un cœur intelligent ou une intelligence qui a du cœur, et nécessairement présentement dans ce que nous appelons le retour des phénomènes christiques, une des grandes substances de différenciation entre un être humain qui a un contact faux avec le plan supramental, qui a un contact avec l'intelligence supramentale mémorisée dans le monde de la mort, c'est-à-dire avec les énergies supramentales qui auront été placées sur le plan de la planète par ceux qui avaient la capacité d'être des ajusteurs collectifs, ceux qui avaient la parole ou ceux qui avaient la gestuelle. Et ces personnages-là qui vont se brancher à cette énergie supramentale ne seront pas capables d'aimer d'une façon intelligente. Ils ne seront qu'intelligents et ça se verra. Celui qui n'est pas un anté contre le Christ aura la faculté d'aimer, donc la faculté non pas de se faire charrier parce qu'il aime. Ce n'est pas la maladie d'amour qu'il a. Non, oui, mais si tu nous aimes, tu devrais venir nous aider. Non, c'est pas simplement tout. Si je vous aime, je me laisse pas têter non plus. C'est pas pareil. Ce n'est pas la maladie d'amour qui fait que tu te sens coupable à cause que tu aimes et que tu te sens l'esclave de l'humanité parce que tu aimes l'humanité, à un point tel qu'un jour tu espères finir par la haïr pour avoir la liberté. Non, celui qui a un contact supramental du bon côté, celui qui devient un anti-Christ, anti-la forme, mais pour l'énergie christique, donc pour l'idée même du Nazaréen, celui-là sera capable d'émettre une forme d'intelligence qui sera capable de s'ajuster à des gens et qui sera nécessairement transmissible d'une énergie que l'être humain pourra connaître sous le terme d'amour, mais qui n'a vraiment rien à voir avec la maladie humaine que l'amour, que l'homme appelle l'amour, qui est l'amour psychologique. Si tu parles en ton nom, es-tu manipulé? As-tu ton libre arbitre? Où es-tu? Je suis ce que je suis. Je n'ai pas de libre arbitre, mais je n'en ai pas besoin, parce que tout ce que je veux faire, c'est aussi ce qu'on me présente à faire. Alors, ne casse pas la tête. Il ne faut pas se faire prendre par certains personnages qui œuvrent dans certaines églises ou autres. Nous sommes réduits souvent. C'est écrit en hiéroglyphe. Probablement. Chose certaine, c'est que si on prend la vibration même de la question, si on laisse faire le mot, il ne faut pas se faire prendre par des personnes qui sont preachers ou qui disent des choses sur les églises ou les religions, etc. Et finalement, on est perdant. La chose importante, c'est qu'on ne doit se fier à personne. Je sais que c'est extrêmement souffrant pour bien des gens dans le début. Vous ne devez même pas vous fier à moi. Je parle avec une certaine énergie, je parle en mon nom et je parle pour moi. Évidemment, cela peut servir et être utile à autrui, surtout que le fait qu'autrui soit là, il me pose des questions, ce qui me permet d'engendrer des réponses, donc c'est un échange énergique extrêmement intéressant. Mais on ne doit pas se fier à qui que ce soit. Si ça fait du sens, ça fait du sens. Quand ça n'en fait plus, ça n'en fait plus. Et c'est simple. De cette façon, vous n'aurez pas le doute de vous tromper. Trompez-vous pas, faites pas confiance. Si je dis qu'il pleut, peut-être qu'il pleut, mais ça ne veut pas dire qu'il pleut. Vous ne devez pas le prendre comme cela. Si vous sortez et qu'il pleut, vous direz, bon, ben cette fois-ci, il a dit la vérité. Mais conservez toujours votre possibilité de jugement qui a toujours été interdit par la majorité des structures organisées où on vous interdisait de poser des questions, de douter. On vous disait, ayez une foi aveugle. Si vous avez une foi aveugle dans le bon chemin, merveilleux. Si vous avez une foi aveugle dans le mauvais chemin, jamais vous ne le saurez. Mieux vaut avoir une foi qui voit qu'être dans le bon chemin. En quoi les deux grandes guerres, 14-18, 39-45, étaient géniales? Est-ce seulement pour avoir sauvé le monde du fléau? Merci. Non. Les deux grandes guerres ont été géniales. La première grande guerre mondiale, ça n'a pas été... C'est une guerre conventionnelle comme les autres. Ce sont des guerres qui permettent à des peuples d'éliminer une grande partie de leur karma social et en même temps d'éliminer une grande partie aussi des torts qui existent à même les sociétés. La Deuxième Guerre mondiale a été une guerre qui a permis à la majorité de l'Europe de s'expatrier pour gagner l'Amérique, qui va être la terre de demain. Quand je parle d'Amérique du Nord, je n'inclus nécessairement le Canada et les États-Unis d'Amérique. Alors donc, il y a eu ces guerres où on aurait pu suggérer à l'humain, bon, mais mélangez-vous au niveau des races, il est le temps maintenant que les génétiques du passé se mélangent dans le but d'engendrer des races plus solides. Mais l'humain était raciste, ne me demandez-leur pas ça. Il y avait aussi un paquet d'autres contextes du point de vue théologique, où les énergies avaient une tendance à trop être attirées par les égrégores des énergies juives. Alors, on devait demander aussi au peuple juif de cesser de prier leur Dieu pendant 15 à 20 années, pour permettre la descente d'énergie supplémentale dans le peuple juif et aussi à l'extérieur du peuple juif, ce qui dans l'Antiquité n'avait pas été fait parce que le peuple juif a toujours été un des peuples les plus puissants du point de vue des égrégores. D'où le fait que le Nazaréen ne peut faire autrement que de naître juif, même s'il était Nazaréen, d'une secte à part. Alors donc, il y a eu cette guerre qui a obligé l'humain à faire ce que l'humain de toute façon aurait refusé parce que l'humain n'aurait pas été prêt. Et constamment, c'est génial. Si on regarde les famines en Éthiopie, ces choses-là, eh bien, j'ai fait plusieurs conférences et dans le séminaire que je donne, souvent, j'explique le phénomène de la réincarnation pluralitaire où les êtres humains qui... La théologie le dit aussi. Elle dit que celui qui meurt va dans le monde de la mort rejoindre à jamais celui qui l'a aimé. À jamais, oui, parce qu'il se fusionne à lui. Les deux deviennent un. Alors, dans les pays où on vit toujours les mêmes conditions, tous ceux qui meurent dans leur propre monde de la mort, ayant vécu les mêmes expériences, se fusionnent et renaissent. Et à travers cette épuration des peuples, lentement, ces personnages du monde de la mort vont se réincarner dans des peuples beaucoup plus solides, qui seront des peuples nord-planétaires, entre autres. Donc, ça ne dérange rien. Adolf Hitler, n'ayant rien compris au phénomène, par contre, ayant été manipulé à engendrer des mouvements sociaux, lui pensait qu'en exterminant les races faibles, il obligerait les réincarnations exclusivement dans la race forte, la race aryenne. Ça ne servit à rien. Ce n'était pas son travail non plus, d'ailleurs. Alors, les races eux-mêmes font le travail qu'ils ont à faire et ils s'épurent lorsqu'ils ont à s'épurer. On n'a pas besoin de tuer des races humaines. Alors, les guerres sont géniales parce que ça permet à l'humain de faire ce qu'il, de toute façon, il n'aurait pas fait. J'avoue que c'est absolument stupide d'être obligé de passer par des guerres. Mais l'humain étant plus stupide que la guerre devient intelligente. Durant la Deuxième Guerre mondiale, tu as mentionné que les pays sous-entendus, attaqués, sont venus au Canada et aux États-Unis en Amérique du Nord. Mais beaucoup des attaquants ont été en Amérique du Sud. Est-ce qu'il y a parallèlement... Bon, l'Allemagne est venue investir le Saint-Laurent. Les sous-marins allemands sont montés jusqu'à la ville de Québec même, dans le but de préparer à conquérir le Québec, qui était ésotériquement l'hyperborée d'Adolf Hitler. Mais en même temps, on recherchait une porte pour pénétrer par le pôle Nord dans l'hémisphère Sud, et on recherchait aussi un sixième continent qui a toujours été mythiquement connu, qui aurait été planté à l'intérieur des terres des terres de feu, donc à l'intérieur de la pointe, la fine pointe de l'hémisphère Sud, au niveau de l'Amérique du Sud. Et en même temps, il y avait une porte qui permettait d'atteindre le Québec par les montagnes Chic-Choc. Et cette porte-là se trouverait dans un pays qu'on connaît bien, qui s'appelle le Guatemala. Et alors donc, les forces soviétiques, parce qu'on sait que la Deuxième Guerre mondiale est une guerre ésotérico-théologique sociale, c'est une guerre religieuse, une guerre sainte, où on voulait épurer une race, prendre une race, la race aryenne, la race des grands blonds aux yeux bleus. Moi, j'ai juste les yeux bleus, alors imaginez-vous ce que j'aurais passé comme quart d'heure à cette époque-là. C'est pourquoi je suis né un peu après, c'était plus brillant. Alors, les forces nazies ont voulu investir l'Amérique du Sud pour ramasser des trésors dans le genre. Ils ont recherché large alliance de toute façon, ils ont investi l'Afrique pas pour rien, il n'y a rien à conquérir là. Mais, ils étaient extrêmement connaissants du point de vue des forces ésotériques et occultes. OK. Le fait qu'il y ait beaucoup de peuples européens qui aient immigré au Canada pour les États-Unis, ça a engendré quelque chose aujourd'hui. Est-ce que le fait que des Allemands ont été en Amérique du Sud, pas en Amérique centrale, mais bien en Amérique du Sud, oui, ça engendre quelque chose aujourd'hui qui est encore ésotérique? Énormément. L'Allemagne, les Allemands d'aujourd'hui, les Allemands qui ont fui par l'intermédiaire de différentes organisations lorsque l'Allemagne a été envahie par les forces alliées, les Allemands qui ont fui, il y en a encore quelques-uns qui vivent aujourd'hui, ils ont eu des enfants aussi, ils les ont instruits d'une façon très naziste. Je ne parle pas du néo-nazisme, je parle du vrai nazisme. Ces Allemands-là sont aujourd'hui une race de génie. C'est une race qui ne devrait pas être poursuivie. C'est une race qui devrait être blanchie de tous les torts qu'elles auraient pu causer à l'humanité, parce que, premièrement, elles ont aidé l'humanité, et à part le fait d'Adolf Hitler et de certains de ses généraux, qui étaient la réincarnation d'ailleurs déjà de certains personnages qui, dans le passé, ont engendré des problèmes majeurs, qui aimaient massacrer parce qu'ils étaient plus luciférien que la majorité des humains, à part ces quelques personnages, la majorité des Allemands qui vivent soit au Japon, soit en Amérique du Sud, parce qu'il y a énormément de choses à faire là au niveau et occulte, ces personnages-là, si on les rencontre, on devrait carrément leur serrer la main et même en devenir leurs alliés. Parce qu'ils ne font pas partie de l'idéal nazisme qui existait à l'époque des camps de concentration, même s'il y avait une raison intelligente du point de vue divin à ces camps de concentration. Mais ces Allemands-là avaient comme idéologie celui de l'évolution de la race, l'évolution de la planète Terre, l'évolution de l'humanité, la précipitation du mal sur la planète Terre pour qu'elle vienne plus rapidement à l'âge d'or, l'âge de paix, l'âge d'amour. N'ayant pas tout compris les processus dans lesquels ils étaient enclenchés, ils ont agi de façon bizarre. Mais aujourd'hui, ils comprennent, ils savent, et ce sont des êtres humains qui ne sont pas dangereux du point de vue humanitaire. Pas aujourd'hui. Pourrais-tu nous dire qui contrôle nos pensées? Bien, je viens justement d'écrire un petit texte sur cela dans le dernier livre que je veux sortir. C'est « Qui contrôle la pensée? » Non, le texte, c'est « L'homme a une pensée contrôlée. » Et quelle est la personne qui contrôle la pensée? Et je réponds, justement, c'est personne. Effectivement, c'est la réponse. Qui nous contrôle nos pensées? Rien. Nos pensées sont contrôlées exactement comme quand vous allez dans votre maison. Qui contrôle les courants d'air dans la maison? C'est l'air. Mais qui contrôle l'air? Ben, c'est les maisons. C'est les montagnes. C'est l'eau. Alors, finalement, il n'y a pas d'intentionnalité. Les forces astrales, le monde astral, est comme un vent. À un moment donné, il y a un vent qui passe sur Montréal, tout le monde se sent bizarre, tout le monde est violent. Le vent peut s'en aller, ça tombe à Saint-Hyacinthe, ça s'en va. À un moment donné, il y a un vent de joie qui arrive, les gens sont pépés, les gens fonctionnent. Au niveau des pensées, c'est ce qui se passe. Alors, qui contrôle la pensée de l'homme? Rien. C'est de l'énergie qui circule à l'échelle de la planète Terre selon les conditions sociales, selon la rotation aussi de la planète, et ça va aussi avec le vent. Il y a des égrégores qui sont fixes, qui sont attirés par la tellurie d'un continent, d'une région. Il y a des égrégores qui sont mobiles et qui, eux, circulent à travers la planète Terre. En plus, il y a toutes les planètes et les soleils qui ont une attraction particulière pour une densité particulière du monde de la mort. Alors Mars attire vers lui et crée une ellipse astrale, donc la planète Terre étant ici du côté opposé à Mars, il n'y a presque plus d'énergie astrale martienne. Alors il y a moins de guerre, il y a moins de belligérance de l'autre côté, il y en aura plus. Toutes les planètes tournent et s'entraînent des paliers mobiles du monde de la mort. Les astrologues pensent que c'est les planètes, mais finalement c'est simplement la conscience astrale de l'homme qui, d'un point de vue réincarnationnel, est bâtie de ces paliers du monde de la mort. Et les planètes se promenant, la Terre tournant, la Lune se promenant. En même temps, la Lune, la Terre, juste la rotation de la Terre, de façon à créer des mouvements particuliers au niveau de l'air, qui vont donner les vents. Et parce que la Terre tourne, c'est de la matière, ça tourne plus vite que l'air, et de la misère à suivre, ça crée un vent inverse. Les montagnes créent des perturbations, la chaleur, le froid. Et au niveau des mouvements sociaux, au niveau astral, c'est la même chose. Alors finalement, l'être humain se couche, un soir il dort bien, un soir il dort mal. Alors, c'est qui manipule la pensée de l'homme? C'est la pensée de l'homme qui manipule la pensée de l'homme. C'est simplement l'astral, il n'y a pas besoin d'intentionnalité, c'est de la mécanique. De ses antennes aussi. Ben, ça dépend de son affinité à gober, ça va de soi. Mais ça, c'est génétique, c'est encore pas qui. S'il passe toute la soirée à lire Playboy au lieu de la Bible, ça peut peut-être... Pourquoi la conscience... Oui, ouais, une grosse collection. J'ai quatre Bibles. Pourquoi... Pour protéger Playboy, c'est bien. Pourquoi la conscience humaine ne serait-elle pas uniquement une excroissance de l'instinct de conservation? C'est exactement ce que c'est. C'est exactement ce que c'est. Le chameau dans le désert, il trouve de l'eau, c'est son instinct. Et l'oiseau, il bâtit un nid, il a vraiment appris à bâtir un nid, c'est son instinct. Et l'intelligence absolument géniale que les animaux ont, on peut appeler l'intelligence, alors on dit, oui, mais ça, c'est l'instinct. Et chez l'être humain, ben, cet instinct qui existe aussi, cette intelligence instantanée qui fait que l'oiseau sait sans avoir à apprendre, que le poisson sait sans avoir à apprendre et que les animaux savent sans avoir à apprendre, ce savoir instantané qui habite l'animal habite aussi l'homme. Le bébé, il sait téter sans avoir à apprendre. Bon, je ne sais pas si tu as apprécié tes livres, en tout cas, normalement, les bébés, ils n'ont pas besoin de Playboy. Et ce savoir instantané qui habite l'homme, qu'est-ce qui arrive? Il arrive que ce savoir instantané a besoin que le corps physique de l'homme arrive à une certaine croissance. Et cette croissance, elle est rarement atteinte avant que se développe la construction mémorielle, la mémorisation de l'expérience qui se fait pendant l'enfance. Et vers l'adolescence, le cerveau est presque prêt. Sauf que maintenant, il y a un virus qui l'habite, qu'on appelle l'ego, qu'on appelle la psychologie, et qui porte aussi le nom d'âme impure. C'est bourré de mémoire, bourré d'idées, d'émotions, de désirs, de vouloir, etc. Alors, la conscience humaine ne serait-elle pas uniquement une excroissance de l'instinct de conservation? Si on dit uniquement en voulant dire que c'est juste ça, c'est exact. Si on dit uniquement en voulant dire que c'est rien que ça, c'est faux. Les enfants atteints du syndrome de Williams ont-ils un rapport avec les Walken? Sacré William. Non. Décris-moi, qui, où ou quoi est le diable, Satan, Lucifer, etc. Pourquoi les histoires... Moussic affirme à caractère satanique ou fantastique m'attire-t-elle même s'il provoque chez moi une peur en moi? Bon, c'est le phénomène de la majorité des gens, de toute façon. Les histoires, les musiques, les films. Musique. Bon. Musique. Alors, décris-moi qui ou quoi est le diable, Satan, Lucifer. Le diable, c'est un phénomène qui est extrêmement animal et qui provient de la mémoire qui a été laissée par la construction des corps physiques animaux en Lémurie. Alors que l'homme n'était pas encore sexué, alors que l'homme n'avait aucune conscience, cela a engendré des mécanicités mémorielles qui ressemblent un peu à un phénomène qui a tendance à devenir humain, androïde. Satan est l'expression de toute la phénoménologie de la construction de la psychologie de l'homme à travers une descente de conscience, c'est-à-dire que Satan va devenir ce qui va empêcher la conscience d'apparaître chez l'homme. Et lorsque la conscience apparaît chez l'homme, Satan est rejeté de l'homme. Et lentement, Satan va se cumuler en tant que mémoire expérientielle dans le monde de la mort. Cela engendre des égrégores, c'est-à-dire des grandes masses d'énergie mémorielle qui ont été rejetées par l'homme. Et lentement, Satan devient celui qui va haïr l'homme et qui va continuellement essayer de reposséder l'homme. Étant donné que Satan a créé à même les prémices de l'impression de la conscience dans l'homme, Satan va donc être une mémoire d'être humain extrêmement attaché à la matière. finir par faire en Satan va être appelé le prince de ce monde, en ce sens qu'il est celui qui a tendance à terrestrifier l'humain, c'est-à-dire à grounder, hein, en termes franco-américains, à terrestrifier l'humain pour que sa conscience ne soit pas trop volatile, trop évoluante rapidement. Lucifer, elle veut dire porteur de lumière. Lucifer est un archétype qui a été engendré par les forces créationnelles et qui ont été placés dans les sphères de conscience de l'homme pour permettre à l'homme de ne jamais oublier sa source, pour permettre à l'homme de toujours se rappeler qu'il est un être évolutif, donc volutif, de façon à lutter contre l'attraction planétaire impliquée par Satan. Les deux pourront travailler ensemble de temps en temps lorsque l'énergie créationnelle le voudra. De penser qu'un Dieu parfait a engendré des anges parfaits et dans ces anges parfaits, il y avait Lucifer qui a réussi à tromper Dieu. Dieu serait vraiment faible. Lucifer est un plan prévu de Dieu. Etc. est un mot qui veut dire « il y a une suite ». Voilà. Pourquoi les histoires, musiques, films à caractère satanique ou fantastique m'attirent-elles, même si elles provoquent une peur chez moi? Pour la simple raison qu'il y a dans la constitution de l'âme de l'individu des parties qui ont besoin de se nourrir. Il y a deux lois qui régissent l'âme de l'homme. La première, s'exprimer, sinon il oublie qu'il est là. La deuxième, se nourrir, encore une fois, pour ne pas oublier qu'il est là. Alors, il y a des choses qu'on a connues quand on était jeune. Il y a des particules, des vibrations que l'on connaît et qui nourrissent une partie de notre constitution. Et pour les nourrir, ces vibrations-là vont engendrer des désirs. Ces désirs-là, on va les assouvir. Celui qui n'a jamais connu la relation sexuelle n'en a pas besoin, sans balance. La journée qu'il la connaît, il vient d'expérimenter. Et maintenant, la partie qui vient d'expérimenter voudra se nourrir, pour ne pas oublier. Et elle engendrera le désir. Et là, maintenant, la personne, elle a besoin de relations sexuelles. Alors, au niveau de cette personne, eh bien, c'est simplement ça. Il y a une partie de son âme qui se nourrit de ces vibrations-là. Ça ne veut pas dire que la personne est satanique, mauvaise ou quoi que ce soit. Ça veut simplement dire qu'il y a des parties d'ego qui aiment les cornets. D'autres aiment ce genre de film. C'est tout. Et si ça lui fait peur, ben nécessairement, c'est un peu problématique. La personne devrait s'arranger soit pour ne plus avoir peur en intelligençant ce qu'elle voit, soit par cesser d'aller voir ce genre de film pendant un bout de temps, c'est sûr, pour arrêter d'avoir peur. Jusqu'où le quotient intellectuel peut-il aller? Plus haut que 170? Ah, oh, ben oui, il peut aller plus haut que 170. On a simplement à diviser les notes par deux, puis on peut aller encore plus haut que ça. On peut aller à 300. Ça dépend à quel chiffre lui-même va vouloir arrêter sa connerie. Mais le quotient intellectuel lui-même, l'intellect de l'être humain peut se développer jusqu'à un point où il aura une vitesse de légifération suffisamment rapide qu'il pourra concurrencer des petits ordinateurs de poche. Bon. Alors, on parle de 320, 400 au niveau du quotient intellectuel si on ne change pas le standard. Maintenant, il y a des personnes qui ont des quotients intellectuels de 220, 230, 240, 250. Ça se connaît. 170, quand on sait que la moyenne est entre 80 et 120, 170, c'est une personne qui réussit un petit peu mieux qu'un autre. Mais c'est plus un génie. Il y a eu un temps où c'était un génie. Vous savez que l'être humain est de plus en plus intelligent. Alors. Oui. Je ne dirais pas quelque chose. Vous avez parlé que l'homme est passé de la caverne aux chaises et air conditionné. Que faites-vous de l'ozone qui perce l'air pollué, des eaux, etc.? C'est extraordinaire d'être capable d'arriver à inventer de quoi pour détruire une couche d'ozone que les hommes des cavernes ne connaissaient même pas. Donc, tu dis du charbon. Eh oui. Les créations de l'homme sont belles, certes, mais à quelle fin? Ce qu'il faut constater surtout, c'est que Dieu nous a créés sur une planète où il fait froid. Et pour se chauffer, il nous a donné du charbon. Puis le charbon, il dégage des anhydrides sulfureux et nitriques qui, avec l'eau qui nous tombe sur la tête, engendrent des acides sulfuriques et nitriques qui rancident nos lacs et qui détruit les érables. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Qu'on gèle? Tout le temps? Bon. Gaz naturel. Oui, mais le gaz naturel, ça pète dans la face de ceux qui commencent à le travailler. Hein? Alors, il faut attendre que la technologie se réchauffe assez, que les humains cessent de geler, puis après ça, ils peuvent commencer à penser à des petits robinets qui se ferment tout seuls, puis du gaz naturel qui se promène autrement que dans l'air. Maintenant, regardez ceci. La couche d'ozone, c'est de l'O3. Hein? C'est trois molécules d'oxygène placées ensemble. Et j'ai expliqué de temps en temps que l'énergie supplémentaire était réfléchie et absorbée par la couche d'ozone. Nous sommes rendus à une étape actuelle où l'énergie christique doit redescendre et il devient absolument logique, conséquentiel et brillant que l'être humain, même s'il ne sait pas ce qu'il fait, détruise pendant un laps de temps la couche d'ozone. Cette couche, elle va se refaire. L'être humain va ralentir ses pollutions d'ici les 50 prochaines années. Oh, c'est évident qu'il y aura des mutations planétaires. Mais c'est un nouveau monde que l'être humain veut avoir. Un nouveau monde, la nature veut y participer un petit peu. Oui, parce que là, l'effet de serre, le greenhouse effect qu'on appelle. Non, l'effet de serre. Je ne sais pas si ça se dit en français, mais l'effet de serre. On prétend que d'ici très peu de temps, ça va augmenter le niveau de 7 degrés Fahrenheit, le niveau de température, et ça va faire fondre les glaciers, ça va rendre les tropiques tropiques. Les tropiques vont être extrêmement tropicales, effectivement. Ça va créer beaucoup de problèmes. Ah, ça va créer énormément de problèmes pour celui qui ne sait pas s'adapter. Mais ça ne créera pas de problème pour celui qui sait s'adapter parce qu'il aura l'impression de voyager. Oui, ce qu'il vit, ça va changer. Il n'est pas trop tard pour renverser ça, Daniel. De toute façon, ce qui va arriver, va arriver. Ce n'est pas dans l'homme n'a pas entre ses mains de renverser les choses. Si on cesse immédiatement, on va s'enfoncer dans une pollution catastrophique pour les 50 prochaines années. On ne cessera pas immédiatement. L'humain, présentement, aurait besoin d'une maudite bonne guerre pour cesser de polluer. Mais l'humain, on lui demandait de cesser de polluer, non, on oublie ça pour l'instant, ça ne sert à rien. Oublions ça, parlons-en même pas. Laissons ceux qui en parlent en parler, ça instruit le monde de la mort, qu'à un moment donné, il va se passer des choses. Mais il faudra purifier énormément d'affaires avant, et ce n'est pas en cessant de polluer. De toute façon, ça ne marchera pas. Ça n'a même pas la peine d'en parler. Les peuples ne sont pas prêts à cesser de polluer, parce qu'il faudrait qu'ils changent totalement leur structure de vie, et l'être humain n'est même pas capable de changer de forme de prière sans souffrir, m'en dis pas en plus de changer de forme de maison, de forme de pollution, de forme d'automobile, de forme d'énergie, de tout ça au complet. L'être humain n'est pas prêt à changer de planète. Alors, il va continuer à vivre sur sa planète, il va continuer à la polluer, à la détruire, mais en même temps que là, l'être humain détruit la planète, il développe sa conscience face à la destruction. Regardez, à l'époque, on a toujours détruit la planète, mais ça n'a jamais paru. Or, on n'a aucune conscience face à la destruction. Maintenant qu'on se rend compte, grâce à la science, qu'on détruit la planète, eh bien, ça développe chez l'humain une responsabilité planétaire. Ça commence à la développer. C'est plus important ça que les algues, que les plantes, que les érables avec son sirop. La planète Terre, la couche d'ozone, elle l'a détruite souvent. Quand il y a des volcans qui éclatent, imaginez-vous pas que c'est de l'odeur de rose qui sort de là. C'est non seulement extrêmement toxique, d'ailleurs, les citoyens de Pompéi ils l'ont su. C'est pas la lave qui les a tués. La lave les a brûlés. Mais c'est les gaz, les gaz d'échappement, n'est-ce pas, de la planète Terre, quand t'as fait, qui allait tuer ces gens-là. Alors, il y a eu énorme, il y a la pollution. La planète Terre, il va aussi au niveau de la pollution. C'est pénible pour l'homme, mais nous avons une science qui peut nous permettre de restaurer la couche d'ozone quand ce sera le temps. On a une science qui nous permet de supporter. Certains vont dire, oui, mais là, il y aura plus de cancer de peau. Ça change quoi? Les gens se couchent au soleil depuis des centaines d'années pour se faire bronzer, alors que ça crée des cancers de peau. On met la crème 1 ou 0.1 ou 0.5 de façon à bronzer au plus vite. Ça vieillit la peau, ça donne des cancers cutanés. Et maintenant, on va dire aux gens, les 50 prochaines années, vous devrez prendre la crème numéro 12. Puis là, c'est la panique sur la planète. Bon. Doit-on laisser s'exprimer les désirs inintelligents de l'ego? Présentement, non. Je ne laisse pas s'exprimer les parties de moi qui aimeraient s'amuser sur le prétexte qu'ils sont émotifs. À cause de cela, ma vie est plate. Je ne peux qu'attendre. Je n'ai pas assez de puissance pour appliquer ce que je vois d'intelligent. Et je me refuse totalement distraction émotive. Je ne veux rien d'émotif, d'inintelligent et en plus rien de nouveau ou de puissant mentalement vient me supporter. C'est long, je voudrais me tuer, mais je sais que je ne dois pas me tuer. Parle de ces mécanismes, comment s'en sortir? Je végète. Bon, doit-on laisser s'exprimer les désirs inintelligents? Non. Doit-on laisser s'exprimer les désirs intelligents? Oui. Et c'est le problème de la personne. Elle va se dire à un moment donné, elle a un désir émotif. Ça lui tente de faire l'amour ou d'aller sortir, aller à la ronde. Et elle pense que c'est inintelligent. Qu'est-ce qu'elle a à faire de mieux? Rien. Bien, qu'elle s'en aille donc à ronde. Qu'elle aille donc faire l'amour, qu'elle aille donc voir un film. Les désirs inintelligents, non. Non. J'ai le goût de prendre de la drogue. C'est inintelligent, inécologique. Si t'as pas le choix, pas grave. Mais les désirs intelligents, regardez ceci. Et ça arrive souvent au niveau des personnes qui ont fait le séminaire, à un moment donné, me posent des questions et j'ai la même réponse. Si c'est intelligent de faire ceci, puis qu'en plus t'aimes ça, il y en a qui vont s'interdire de le faire parce que, oui, mais mon ego aime ça. Tant mieux qu'il aime ça, tu ne l'auras pas dans les jambes. Le temps que tu vas faire ce qui est intelligent. Qu'est-ce que tu as à te plaindre? On ne veut plus avoir un égo pantoute avant de commencer à bouger. Vous ne bougerez pas, vous allez avoir de l'égo. La preuve, la vie est plate, vous nourrissez une partie. Les désirs intelligents, il y en a plein. Achetez un croc à un moment donné pour lire ça. Correct. C'est après. La vie ne doit pas être plate, la vie doit être énergisante. Et on doit y mordre à pleines dents. Si en attendant, on ne voit pas l'intelligence de certaines choses, envoyez-vous réellement l'inintelligence. Si vous envoyez l'inintelligence, et le fait d'être émotif, ce n'est pas inintelligent, c'est un problème chez l'homme. Mais le fait de émotivement refuser l'émotion, c'est de l'émotion. La preuve, la vie est plate. Il y a de l'émotion qui souffre. Alors, on doit se permettre un cornet de temps en temps, on doit se permettre des petites choses de temps en temps, on doit s'amuser de temps en temps pour la simple raison qu'on n'a rien d'autre à faire. Ce n'est pas inintelligent. Faire 3000 de jogging, c'est peut-être inintelligent quand on commence. Mais faire 5 minutes ou faire, etc., aller voir un film de Rambo, c'est pas nécessairement inintelligent. C'est distrayant. C'est comique. Bon, c'est tout. Alors, on doit faire attention. La vie, elle est le moins d'être plate. Elle est même drôlement intéressante. En plus, si on commence à voir les choses clairement, vous allez simplement vous amuser. Mais si vous interdisez tous les problèmes, vous vous interdisez en même temps les réussites. Parce que celui qui ferme la porte à tous les défauts, il ferme la porte aux qualités carrément. Bon, on doit s'amuser. Comment détecter toute forme de tradition? Comme tu le disais plus tôt, il y a des égos qui se sentent possédés par de l'intelligence. C'est mon cas. Dois-je m'y abandonner? Si oui, comment? La personne n'est sans doute pas, elle n'a pas d'égo possédé par l'intelligence parce qu'elle saurait comment s'abandonner. Alors, elle n'a qu'à faire ce qu'elle fait présentement et continuer à faire ce qu'elle fait. Tu parles du chiffre de la bête et qui porte un nombre d'hommes 666 qui coïncide avec l'entrée du supramental 1969. 1, 6, 9. Soit 3, 6. 2 à l'envers et 1 à l'endroit. Peux-tu élaborer? Bon. Élaborer sur un thème astral, c'est intéressant. Alors, 1969, 3, 6, 2, 9, 1, 6. Mais en réalité, c'est pas 3, 6 qu'on aurait dû voir, c'est 3, 9. Bon. Ce qui fait que ça n'a rien à voir avec le 6, 6, 6, vu que c'est 9, 9, 9. La majorité l'emporte? Oui, la majorité l'emporte, et 2, 9, contre 1, 6. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le nombre de la bête, la correspondance avec les années, c'est la plus grande farce et la frime qu'il n'y a pas. Quand le terme 666 a été amené, on n'avait pas encore commencé à compter les années et les époques à partir de l'an 0, c'est-à-dire 4 ans après la naissance du Christ. Et qu'est-ce que c'est que l'an 666 pour les Juifs? Qu'est-ce que c'est que l'an 666 pour les musulmanes? C'est comme quand on fait la numérologie, 1988, 2, 8, c'est ça, ça va donner ceci, cela et cela. Puis les Chinois, eux autres, ne comptent pas comme nous autres. 1988, ça n'existe même pas. Les Juifs sont en l'an 1000 quelque chose, 2000 quelque chose, ça n'existe même pas. Excuse les Chinois, la journée la plus chanceuse était censée... Le 8 du 8, 88. Oui. Les Chinois que j'ai rencontrés, ils n'étaient pas plus souriants. Ils sont tous mariés ce fois-là. Ils vont avoir plus de divorces la même année, dans le même mois, dans quelques années. C'est tout. Pas plus chanceux que rien. Alors, le nombre d'hommes, 666, c'est un autre phénomène. Ceux qui veulent plus d'informations, peut-être qu'à un moment donné, on pourra parler de ce chiffre. En attendant, vous pouvez peut-être vous référer à la conférence qu'a donnée Raphaël Payard sur, justement, ce phénomène-là du chiffre 666, un nombre d'hommes, je crois. On peut fouiller dans le catalogue en bas, on pourrait se référer facilement à cette chose-là. Coïncidence avec l'entrée en 1969 du phénomène supramental, c'est faux. L'énergie supramentale n'est pas entrée en 1969, elle est rentrée en 1962. Sauf qu'elle a été exprimée consciemment par un être humain à l'échelle du Nord planétaire en 1969. Alors, les correspondances, on peut en trouver et en faire tant qu'on voudra. Pourquoi 1999, qui est apparemment le pire temps que la planète Terre aura vécu, n'est pas les 3-9, 3-6, mais placé dans le même ordre? On peut s'amuser tant qu'on voudra. Et je répète que ceux qui vont à Saint-Pierre à Rome pourraient voir écrit en grec, en bas d'une pierre, près de la basilique Saint-Pierre à Rome, quelque chose. Faites l'addition, ça va vous donner 666. Et on peut s'amuser à interpréter. Les interprétations ne sont pas utiles. Non, je ne te poserai pas. Oui. Krishnamurti a eu un contact supramental en quelle année? Krishnamurti a eu un contact supramental en 1931. Alors, c'était avant 1962? Oui, mais ce n'est pas la même expression supramentale. Krishnamurti n'a pas eu un contact avec de l'intelligence supramentale, mais avant qu'il puisse arriver à l'exprimer, ça a été après 1969, convenablement. Puis il n'a jamais pu réussir à l'exprimer d'une façon aussi supramentale que certaines personnes peuvent le faire au Québec. Si le futur est déjà accompli, pourquoi y a-t-il plusieurs futurs possibles? Est-ce que toute l'humanité aura le même futur apocalypse? Puis apothéose, excuse. C'est parce que je suis en train d'écouter la réponse que tu viens de me donner avant. Si le futur est déjà accompli, pourquoi y a-t-il plusieurs futurs possibles? Ben justement, tous les futurs sont déjà accomplis. Sauf qu'on ne sait pas lequel que nous on va prendre. Alors la question qui suit a une grande importance. Est-ce que toute l'humanité aura le même futur? Non. Apocalypse puis apothéose? Non. Il y en a qui vont connaître l'apocalypse, ils s'en rappelleront plus après, ils vont vivre dans l'apothéose, et il y en a qui vont passer directement à l'apothéose, ils ne verront jamais où se passe l'apocalypse. Ah, OK. Suivre quelqu'un qui parle en son nom ou celui qui parle au nom de la tradition. Le mieux, c'est de ne pas suivre ni un ni l'autre. C'est de se suivre soi-même. Quel est le mieux? Même si on ne sait pas toujours où on s'en va. Premièrement, si on a la faculté de se suivre soi-même, c'est évident qu'on se suit soi-même. Si on est encore émotivement, psychologiquement construit de façon à avoir besoin, sinon de l'opinion, du moins de la confirmation de quelqu'un d'autre, mieux vaut suivre celui qui parle en son nom, parce que la journée où vous voudrez embrasser ses pieds, il vous donnera un coup de pied en plein visage. Tandis que la tradition, elle va vous laisser les embrasser. Faites-vous une troisième partie à la conférence pour répondre à toutes les questions? Ça, c'est une question qui se pose à toi. Fait qu'en way, qu'on pose ceux-là. Aïe, aïe, ça, je pense que c'est écrit en hébreu. Bon, donne-moi là, je vais la traduire, puis pose-moi l'autre question en dessous. J'espère que j'aurais aimé. Ok, ben, je vais t'expliquer. Tu vas apprendre l'hébreu? Non, c'est bien. Ça va bien. Ouais, tu peux poser ton autre question. Effectivement, il a raison. Alors ici, je laisse passer des choses en haut, c'est avec le 777 Apocalypse et puis les trois étoiles de David avec le 3-6. Alors les hommes vont finir par voyager de système solaire en système solaire, de galaxie en galaxie, jusqu'au-delà du cosmos dans toutes ces catastrophes spirituelles et conscientisées. Ce qu'il faut comprendre, c'est que l'homme ne voyagera jamais à bord de vaisseau spatial d'un monde à un autre. L'homme va voyager à travers son double éthérique, s'appellera un corps séraphique et qui permettra l'expansion de sa conscience à travers un véhicule énergétique qui lui permettra d'avoir accès à d'autres systèmes solaires et à d'autres systèmes galactiques pour finalement avoir accès à d'autres systèmes universels, à d'autres systèmes super-universels, et à un moment donné, il pourra entrer en contact avec le phénomène de la galaxie, de la création. Une chose très importante, c'est que lorsque j'explique, je dis ceci comme cela, c'est intéressant, lorsque j'explique qu'Albert Einstein est le premier qui a amené ce phénomène théorique, quand on parle de 15,5 milliards d'années comme étant la circonférence de la création de l'univers, 15,5 milliards d'années, c'est la circonférence de notre univers, mais pas du super-univers ou de la création. Et en plus, le seul univers dans ces créations qui n'a pas de limite mais qui est fini, c'est notre univers. La création, c'est autre chose. Est-ce que les étoiles de David et les chiffres ont une signification? Ah oui. Ça signifie quoi? Ça va être long. Passe ceux-là, je reviens. Le vrai Christ aura une grande gueule, amènera du neuf, ira contre la tradition, sera considéré comme un faux prophète. Il va même faire de la prison pour pratique illégale de la médecine. Tu traites ton autoportrait. Oh non. Parles-tu de toi ou si tu n'es pas encore certain que c'est toi? Et si tu es certain, pourquoi ne pas le dire sans peur, comme le dit le Nazaréen? En 1988, pourtant, on ne crucifie plus. Bon, quelle que soit la réponse, de toute façon, on ne crucifie plus, mais on adore toujours autant. Et c'est aussi asphyxiant, alors que je sois, que je ne sois pas, ça me regarde. Mais de toute façon, les dangers sont toujours là. Le processus du langage des oiseaux est-il conforme à la trame ou processus mémoriel dans l'homme ancien? Le processus du langage des oiseaux est-il conforme à la trame ou processus mémoriel dans l'homme ancien? Le langage des oiseaux est un phénomène. De toute façon, la question est posée en langage des oiseaux pour la majorité du public ici. Le langage des oiseaux, c'est lorsqu'on emploie des mots qui cachent tellement de phénomènes énergétiques que finalement, une ou deux personnes arrivent à comprendre qu'est-ce qui se passe dans la conversation alors que ceux qui écoutent ne voient que des mots et n'arrivent plus à suivre du tout. Langage des oiseaux, langage des alchimistes pour commencer, et ça sera un langage qui sera de plus en plus développé par les personnes transitives et par l'homme nouveau pour finalement laisser sa place à la télépathie. Quel est le lien interréactionnel entre Tomo et Judo? Le lien interréactionnel. Premièrement, ils étaient apôtres tous les deux du même bonhomme, du Nazaréen. Thomas était un personnage. La question est intéressante, ça dépend qui la pose, même bien. Thomas est un personnage qui a énormément de confiance en le Nazaréen, mais qui n'a aucune confiance en personne d'autre. Lorsque le Nazaréen apparaît, on lui dit qu'il est venu, et lui a besoin d'une preuve. Mais preuve parce qu'il ne croit personne d'autre que le Nazaréen. Judas, c'était le plus grand disciple associé au Nazaréen. Lazare n'était pas associé. Il le considérait d'ailleurs comme son demi-frère. Judas a été celui qui devait donner le Nazaréen pour que le Nazaréen puisse être crucifié, selon l'entente qu'il avait eue avec le Nazaréen lui-même. Et Judas était le plus puissant, mais encore il était trop faible. Il n'a pas réussi à vendre le Nazaréen convenablement. Et il a vendu Melchisédek, un prêtre de la justice de la secte essénienne à l'époque. Alors, le lien interréactionnel, si on considère le lien dans le passé, il y avait le lien du fait qu'ils étaient apôtres. Si on considère le lien réincarnationnel aujourd'hui, il y a quelques humains qui ont, par, on peut dire malencontreusement, mais le terme est faux, qui ont récupéré des mémoires de Thomas et de Judas et qui sont en train de faire des luttes internes à eux par rapport à savoir qui ils sont. Ils devront gérer les deux phénomènes, mais il y a plus qu'un humain présentement qui a subi la réincarnation de mémoire des deux personnages mélangés ensemble, ce qui engendre, et le Judas qui s'est réincarné, et la mémoire qu'on a faite de Judas, ce n'est pas la mémoire du vrai Judas, qui lui est libre. Alors la mémoire du Judas qu'on a créé, c'est la mémoire d'un Judas qui a vendu le Nazaréen aux Romains pour le faire crucifier alors que c'est faux, il a tout fait pour le protéger. Il l'a vendu parce qu'il voulait le protéger. Alors cette mémoire-là engendre une culpabilité bien souvent chez ce personnage-là qui arrive en plus à mélanger son expérience avec l'expérience de la réincarnation des mémoires de Thomas qui fait qu'il n'est pas capable d'accepter rien de qui que ce soit. Soit dit en passant, il y a énormément de MTS, c'est-à-dire des martyrs de la transition supramentale qui seront réincarnationnellement les récepteurs de mémoire Thomas-Judas. Où on va le faire à croire que c'est le cas? C'est le même phénomène. C'est quand même une bonne question. Les entités extraterrestres proviennent-elles toutes du même faisceau espritique que l'être humain? Non. Quel est le rôle cosmique de ces entités extraterrestres dont la fonction n'est pas de se fusionner avec l'humain? Lorsque l'énergie a commencé son effusion, elle a traversé des mondes. Traversant des mondes, elle a traversé, en l'occurrence, un super univers et elle s'est effusée, c'est-à-dire qu'elle a éclaté. Le processus inverse, c'est le processus de la fusion. S'éclatant, il y a des particules d'énergie qui ont pénétré d'autres mondes, des mondes universels, des univers. Et encore, il y a eu une effusion, un éclatement. Dans ces éclatements, différents mécanismes d'énergie, qu'on appelle faisceaux d'énergie, ont été répartis. Étant répartis, ils ont été répartis dans plusieurs régions d'un univers. Étant répartis dans plusieurs régions de l'univers, cela va engendrer différents contextes dans différents mondes, et ces différents mondes sont reliés entre eux. Alors, l'être humain est intimement relié par des canaux séraphiques à des phénomènes extraterrestres, et ces extraterrestres sont en phase d'évolution, et ils n'auront pas le privilège, comme l'homme, qui a été le premier effusé, de pouvoir maintenant commencer sa fusion, son ascension. Alors, toutes les mécanicités extraterrestres, elles recherchent donc à travers les voyages séraphiques, donc par des canaux qui leur permettent de voyager d'un monde à un autre, recherchent donc le point source, le premier effusé, qui a été effusé dans un monde refroidi, le plan planétaire, et ils le recherchent dans le but de leur voler leur génétique, c'est-à-dire de leur voler leur corps physique, parce que ceux-là même qui sont extraterrestres sont en phase d'involution, ils vont devenir de la boue, on peut dire des crapauds pour s'amuser, et ils devront recommencer le processus qu'a subi l'homme depuis des milliards d'années jusqu'à aujourd'hui. Par contre, ils peuvent aussi kidnapper la génétique du corps d'un être humain et le posséder. Donc, ils n'auront pas besoin de descendre aussi bas que l'homme a été. Par contre, l'homme est le maître de ce phénomène extraterrestre. L'homme est le plus avancé, même si présentement les extraterrestres semblent plus hauts. Parce que moins évolués, mais pas plus évolués. Ils ont un grand bout de chemin à faire. Eux autres vont en descendant. Ils sont plus hauts, mais ils vont en descendant. Nous sommes plus bas, mais nous allons en montant. Nous sommes la solution des extraterrestres. Alors, le rôle cosmique est un apport d'énergie. Il y aura à un moment donné une fusion. Nous allons fusionner les mécanismes extraterrestres, mais nous ne devons pas nous le faire fusionner par eux. Autrement dit, nous devons les digérer sans nous faire digérer. Et comme je le dis souvent, nous sommes des terrestres extra, et les extraterrestres devront se mettre à genoux. Voilà. Lorsqu'ils se matérialisent, s'ils demeurent matérialisés trop longtemps, c'est pour ça d'ailleurs qu'on les voit... Ils deviennent des guenilles. Ils deviennent crapauds, comme tu as mentionné tantôt. Mais lorsqu'ils arrivent ici sur la planète Terre, il y a un niveau de conscience plus élevé que le nôtre. Oui. Lorsqu'ils repartent avec l'information qu'ils ont acquérie... Ils repartent drogués et saouls. Oui, mais est-ce qu'ils ont la mémoire de ce que c'est qu'ils ont capté, Daniel? Oui, parce qu'ils repartent et ils restent en périphérie du monde de la mort. Ils ne repartent pas vers les mondes d'où ils sont venus. À part des énergies supramentales qui n'ont pas la capacité densificatrice de prendre comme forme des vaisseaux spatiaux. Ah, mais eux, ça ne m'amuse pas, c'est ça. Et ça, eux autres, tu ne verras jamais un androïde extraterrestre de consistance supramentale apparaître devant toi. Ça ne sert à rien. L'être humain devient en contact avec ça. Ça ne parle pas dans sa tête, c'est l'homme qui le sait. Tandis que les apparitions éthiques, ceux-là... Ils ont la faculté de mémoriser les connaissances qu'ils viennent chercher. Et c'est pourquoi lentement, ils finissent par avoir besoin de pouvoir comme l'homme. Ils veulent diriger l'homme, ils donnent des missions, ils se prennent pour des dieux. Ils végètent dans le monde de la mort. C'est pas long. Ils savent que l'homme a créé des dieux à l'image et à la ressemblance de l'homme. Et ils savent que l'homme se met à genoux devant ça. Alors, ils prennent les informations nécessaires. Et ils redeviennent devant l'homme pour leur dire, voilà, le créateur, c'est moi. Et puis, votre tradition, votre Bible, par exemple, je la connais par cœur. C'est moi qui l'ai écrit. C'est évident, il est allé la lire dans le monde de la mort. Pour certains, mais c'est très, très minime ceux qui font ça. Oui, habituellement, ce qu'ils recherchent, c'est des journalistes en mal, de sensations, qui ont des appareils photos, qui n'ont plus de films dedans, pas de flash, pour prendre des photos dommages. Ou ils recherchent encore des personnes qui ont tendance à prendre de l'alcool, les hypnotisent, puis ils remettent sur la planète en leur disant oublier tout, puis les gars s'en rappellent pareil. Puis c'est ça, tout à fait comme ça. OK, je reviens à la deuxième partie, à la troisième partie de la question. Là. Si oui, pourquoi y aurait-il un danger à fusionner avec ces entités extraterrestres? Il n'y a aucun danger tant qu'on ne peut pas être coloré par eux. C'est-à-dire que si, par exemple, vous rencontrez un extraterrestre qui apparaît soit en bikini, soit comme vous voulez l'imaginer, là, soit en être spatial avec des épaulettes qui montent comme ça, là, ici, là, avec ses Kleenex cachés en dessous, couchés. Bon, enfin bref. Vous rencontrez un extraterrestre. Est-ce que vous transpirez? Si vous transpirez, ce n'est pas le temps pour vous d'en rencontrer un. Vous allez être coloré par lui. Il va vous dominer. Si vous en rencontrez un et que ça ne vous fait mais absolument rien, vous vous dites, bon, ben tiens, c'est temps, j'en rencontre un. Exactement comme si vous voyez pour la première fois un arbre, un séquoia, un pin de Colombie. Vous êtes content de le voir. Et après ça, il vous dit, hey, à genoux, embrasse ma bague. Une bague et des lumières qui tournent après, là. Et vous vous dites, ben, embrasse mon bouton. Là, il n'y a aucun problème. L'extraterrestre, de toute façon, ne restera pas. Et puis, l'être humain qui peut supporter la vision d'un extraterrestre, donc le terrestre extra, l'homme nouveau, la femme nouvelle ou l'enfant nouveau, et puis aucun danger, il va gérer des mécanicités extraterrestres, il aura de plus en plus une conscience cosmique, une conscience extraplanétaire. Par contre, celui qui se met à genoux, celui qui transpire, celui qui a chaud, celui que l'extraterrestre vient qu'à dire « Je suis Dieu !» Puis l'autre, il dit « OK !» Non, celui-là, il va se faire digérer carrément par l'extraterrestre. Il y a des consciences humaines qui ont déjà été digérées et qui sont maintenant des prophètes de certains mécanicités extraterrestres. Avec des symboliques extrêmement dégueulasses. Mais l'extraterrestre n'apparaîtra pas celui qui va se tenir debout. Mais non, celui qui se tient debout, il n'y a pas un extraterrestre qui va avoir l'énergie pour apparaître devant. Quel est le rôle des Maitrias ou d'un personnage semblable dans l'avenir de l'humanité? Ce rôle est un rôle avant-gardiste, c'est-à-dire que c'est un rôle qui est un peu anachronique, c'est un rôle qui est mal placé dans le temps. Maitria serait la conscience réincarnationnelle de tous les grands avatars qui ont dirigé l'humanité, en l'occurrence, Zarathustra, Bouddha, Moïse, Jésus, etc. Mais le phénomène Maitria est un phénomène qui est une projection dans la conscience actuelle de l'homme d'une prévision prévue dans le monde de la mort de l'apparition d'un monarque. Son rôle présentement est juste une carotte tassée en avant. Ça permet à des individus qui l'attendent trop, le grand monarque, de pouvoir espérer à Maitria, qui peut-être existe déjà en Angleterre, dans une forme très androïde, très humaine, et qui n'a pas la puissance du grand monarque, mais ça permet à l'humain de supporter. Ça fait comme les prêtres aiment dire, ça met du baume sur le cœur de ceux qui attendent et qui sont trop impatients. Ça fait la première fois que je viens ici. J'ai écouté attentivement, et la manière que tu parlais maintenant, je suis toute mêlée, je voudrais savoir pourquoi. Bon, premièrement, la personne, elle est mêlée pour la simple raison qu'il y a eu énormément d'énergie qui ont été mis à travers la parole. Ce n'est pas exclusivement les mots qui sont utiles et importants. Mêlée pour la simple raison qu'il y a tellement de choses qui sont rentrées et passées en même temps que tout se bouscule un peu dans la tête de l'homme. Surtout que lorsque les humains ont des égos et des formes archétypales, lorsqu'on vient m'écouter en conférence, on peut risquer de voir certaines formes éclater.